En Corée, plusieurs entreprises accomplissent avant terme les objectifs de la campagne de 200 jours. Le complexe de Vinalon Vite Février a accompli en 100 jours le plan de production de vinalon et de chlorure de vinyle, alors que l'usine des articles en plastique de consommation courante des militaires blessés d'honneur de Ramon à 101,8% pour le projet de 200 jours et à 120,3% pour le plan annuel jusqu'à la fin d'août dernier. L'usine de fil électrique 326 de Pyongyang a achevé le projet de 200 jours jusqu'au 6 octobre dernier et l'usine des appareils électriques de la jeunesse de Ramon le plan annuel jusqu'au 10 octobre. La lainerie de Ramon a doublé la production par rapport à l'année passée et elle compte d'innombrables personnes qui ont accompli leur plan de 3 ou de 2 ans. La fabrique des tricots de Ramon a achevé jusqu'à la fin d'octobre le plan annuel de la valeur globale de la production industrielle et le plan selon les indices. La direction de l'industrie de la confection de la ville de Pyongyang a accompli aussi jusqu'à la fin d'octobre à 130% pour la valeur globale de la production industrielle annuelle et à 100% pour les indices.